Comme ici, vous voyez la différence entre un hindou et un arabe de même, OK? Moi, je suis hindou. Aux États-Unis, ils ne sont pas capables de voir la différence. Comme moi, je ne peux pas voyager aux États-Unis, OK? Une fois que je passe les douanes, il y a beaucoup de tension. OK? Les gens retournent voir leur famille une deuxième fois, les seins dans les bras, tu sais. Je t'aime. Moi, je m'amuse avec ça. Tu sais, je joue avec ça. Je fais des affaires pour lesquelles on ne peut pas t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire une fois que l'avion décolle. Une fois que l'avion décolle, moi, je me lève, je cherche l'autre arabe sur l'avion, je lui fais signe. Même lui, comme, je le connais pas, lui! Rachid ne veut plus voyager avec moi. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Sugar Sammy et c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui à la chronique Mi Figue Mi Raisin d'Annick Mani. Bonjour Annick. Bonjour. On parle d'humour aujourd'hui et de diversité culturelle à travers l'humour. Oui, donc je vais vous mettre en contexte. En fait, j'étais assise devant mon téléviseur, tranquille, avec mes chips. Non, je rigole. Et je suis tombée sur la campagne publicitaire de l'humoriste Sugar Sammy qu'on vient juste d'entendre, ou comme mes collègues aiment bien l'appeler, Sammy Sucre. Sammy Sucre, ah ok, on l'a francisé. Oui, c'est presque intime. Loi 101, hein, oblige. Exactement. Donc, Sugar Sammy sera en spectacle le 28 février prochain à l'Olympia, tout près des locaux de CIBL. Et de là, l'intérêt que j'ai eu par rapport à l'humour qu'on pourrait décrire d'ethnique, donc l'humour qui est apporté par cette nouvelle génération issue de l'immigration, donc des enfants d'immigrants. Et je me suis posé la question suivante. Est-ce que l'humour a le pouvoir de conscientiser plus de gens par rapport aux enjeux et à la réalité des gens issus de la diversité? Donc, c'est... Est-ce que tu penses que c'est... Ouais, c'est une grande réflexion, effectivement. Là, je m'explique. Il y a de plus en plus d'humoristes ethniques qui s'ajoutent à la liste de ceux qu'on connaît déjà, comme Kavana, Badouri, Diouf et Nabila. On a déjà mentionné Sugar Sammy, mais il y a aussi Eddie King et Adib Al-Khalidi. la façon que Ah, tu l'as bien prononcé. J'ai bien prononcé, qui est chroniqueur en ce moment à L'heure aux gens sur les ondes de Radio-Canada. Donc, tous ces artistes parlent de leur réalité, de leur quotidien. Donc, inévitablement, ils amènent un point de vue au public québécois qui est complètement différent et un peu rafraîchissant, je pourrais dire aussi. Et c'est ce que je juge vraiment intéressant. Et est-ce que tu veux apporter quelque chose? J'allais dire, en fait, c'est parce que tu me posais la question rapidement, est-ce que c'est un lien pour tisser... En fait, est-ce que l'humour devient une espèce de d'élément pour tisser des liens en différentes communautés? Je sais pas si tu as déjà assisté au Couscous Comedy Show. On en entend de plus en plus parler. Ça se passe au cabaret du Mylon souvent et c'est probablement l'endroit où j'ai vu le plus de diversité dans la salle. Avec des humoristes autant québécois, blancs, des Tremblay, que d'autres humoristes de la relèvent issus de différentes communautés et c'est pas du tout un paysage en fait tu vois pas du tout le même paysage quand tu vas Juste pour rire l'été par exemple. C'est complètement différent. Alors au Couscous Comedy Show, j'étais impressionné de voir à quel point l'humour devenait un élément pour tisser des liens en différentes communautés qui, bon, traditionnellement se parlent peut-être un peu moins. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et justement, je peux amener ce que j'aime, tu l'as bien mentionné, l'humour a le pouvoir de faire passer des messages avec un peu plus de subtilité aussi. Donc, grâce au rire, les humoristes ne sont jamais perçus comme des moralisateurs. Donc, il y a vraiment une lourdeur qui est éliminée grâce à l'humour. Et ça, je trouve ça vraiment important aussi par rapport à ce qu'ils peuvent léguer à leur public. Et je peux donner un exemple. Donc, en plus du profilage racial, Eddie King, dans son spectacle, parle du coltan. Qu'est-ce que le coltan, vous me direz? Donc, c'est un minerai propre au Congo et qui est une très grande source de conflits en ce moment, donc des guerres civiles, et qui sert notamment à la fabrication de nos précieux téléphones cellulaires. Alors, c'est une façon d'éduquer les gens par rapport à des conflits, par rapport à des réalités qui sont complètement différentes et auxquelles on pense pas nécessairement, qu'on voit pas au grand journal non plus, que c'est pas couvert de manière fréquente. Par contre, une fois à la maison, est-ce que les gens qui ont assisté au spectacle ont appris quelque chose? Est-ce que les enjeux et les réalités qui sont exploitées dans les sketchs passent par une oreille et ressortent de l'autre? C'est une question que je me pose aussi. Puis, est-ce que leur perception des immigrants ou des enfants d'immigrants va changer à cause de leur expérience, à cause des rires puis de l'expérience qu'ils ont eue dans le spectacle? J'avoue que je me pose sérieusement la question aussi. Est-ce que ça a vraiment un impact sur leur vie une fois sortis de la salle? En même temps, la réflexion que j'ai sur les humoristes issus de différentes communautés culturelles, est-ce que parce que tu es issu d'une communauté culturelle, tu dois faire de l'humour à saveur ethnique. Non, parce mais il y a une nuance à faire. Les, parce qu'on voit les Nabila Ben Youssef, les Rachid Badouri, les Sugar Sammy, on fait beaucoup d'humour basé sur les différences culturelles. Puis Eddie King parle aussi. J'ai vu mais le spectacle d'Eddie King. Mais je trouve ça drôle quand tu dis ça, parce qu'en fait, on ne dit pas la même chose de Patrick Huard ou des Denis Drolet, etc., parce que ça paraît ethnique, parce qu'ils parlent de leur réalité. Mm-hmm. Alors pour nous, ça paraît comme étant un autre monde, mais en fait, ils font juste parler de leur famille, ils parlent de leurs amis, ils parlent de ce qu'ils vivent à tous les jours. Alors, c'est pas de l'humour ethnique, c'est vraiment juste, en fait, c'est leur réalité, leur quotidien nous paraît comme étant quelque chose de vraiment éloigné, mais pourtant, c'est leur réalité. Ce qui fait que j'avais été critiquée par Eddie King quand je l'avais approché pour une entrevue parlant d'humour ethnique. Il me regardait en disant, l'humour ethnique, je parle de ma vie, c'est pas de l'humour ethnique. C'est pourquoi il faut associer automatiquement ethnie avec le fait que je suis d'origine congolaise. Et il avait raison sur ce point-là. Par contre, un autre point que je voulais amener, que un commentaire justement lié avec Eddie King que j'ai trouvé un peu choquant. Moi, je pourrais dire choquant. Il m'a dit qu'assis dans le gala des Oliviers, à maintes reprises, il avait entendu le commentaire par rapport à lui, Sugar Sammy et donc tous ces humoristes issus de la diversité, que c'était le ghetto de l'humour. C'est-à-dire? Donc, considérant que ce sont des gens issus de minorités, c'est un ghetto de l'humour. Donc, vraiment, c'est une façon de les catégoriser comme étant des gens de bump, Donc, c'est une catégorie à part. C'est ce que je trouve un peu dommage et déplorable parce que c'est pas parce qu'ils sont issus de la diversité qu'ils sont des ghettos et des bandits ou des bums ou des gens qui n'ont pas leur place sur la scène culturelle québécoise. Alors, j'avais trouvé ça un peu dommage de les mettre dans cette catégorie-là, en fait. Parce mais vraiment, est-ce que c'est pas simplement parce que ces gens-là ont évolué ensemble, donc non, c'était vraiment la façon qu'il me l'expliquait, c'était d'une manière d'être perçu comme étant vraiment le ghetto, petit regroupement d'étrangers qui essaient de prendre leur place sur la scène culturelle québécoise. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. En conclusion? En conclusion, je vous encourage fortement à aller voir des spectacles comme tu l'as pas en Home Island, donc Couscous. Ben, entre autres, le Couscous Comedy Show, oui, qui revient de temps à autre. Ou simplement des spectacles comme Sugar Sammy ou Eddie King, etc., parce que je pense que c'est intéressant de prendre le temps d'écouter le message qui est transmis dans ces spectacles-là, et peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, et que votre perception va changer aussi, parce que on rit, mais on rit en même temps de réalité qu'on connaît peu, et je pense que c'est une bonne façon d'éduquer en riant. Merci beaucoup, Annick. Au plaisir.